de piscimum. Olha la dépouille, on a dansé le slow. Comme dans ta tombe, on battait solo. La paix c'est risqué, elle attire la mort. OGs, OGs. J'suis avec Nato, j'aime être dans le vide. Je t'ai coupé, mon vécu explosé. J'ai raconté ma vie, tu m'as dit c'est un film. Voilà, va toute ma jungle, ouais. Sans boucher, hâte, avec le temps mutilé. Et depuis je fais du chemin et j'essaye. Vous referez tous les jours que tu fais. Sans la guitare, sans la guitare. J'ai deux trois mots à dire à la mi-fa. Depuis 2009 c'est grâce à vous. Avec rien on a remonté le niveau. Ici c'est pas un paradise. Mais je vous ai tout dans ma life. Ici c'est pas un paradise. Heureusement je vous ai dans ma life. Ici c'est pas un paradise. Mais je vous ai tout dans ma life. Ici c'est pas un paradise. Heureusement vous êtes dans ma life. Dans ma life, merci d'être là dans ma life. Dans ma life, heureusement je vous ai dans ma life. Dans ma life, merci d'être là dans ma life. Paradise. Mon chemin s'illumine comme dans Billie Jean. Mon passé a souri quand il a vu mon futur. J'vais aller dans le radeau avec Iggy. Pas besoin de pousser, j'ai votre amour qui me guide. Je suis comme ça, vie chez nous personne puis. Oh, c'est la vie difficile, réussite, tout sexy. Si tu pars en plus fort mais nous rend moins gentil. J'te l'ai déjà dit un pied dans la hamle sans le dire. Et comme hier, j'ai pas changé d'équipe. Équipe qui gagne, n'oublie pas d'où elle est partie. Dieu pour tous, tous pour un. Les mêmes joueurs et les mêmes chaque jour. Ici c'est pas un paradise. Mais j'vous ai tout dans ma life. Ici c'est pas un paradise. Heureusement vous êtes dans ma life. Dans ma life. Merci d'être là dans ma life. Dans ma life. Heureusement vous êtes dans ma life. Dans ma life. Merci d'être là